a pas une série bonne et que ma victime serait bénévole. En état mitosé qu'il build dans ma tête définie si je pratique. Même si tu connais mes limites, je file la ville en ville et tu le vis dans vos gimmicks. On voit de l'ardi, quel est dit pour tu mes limites. Quel est mes lésions qui te vaut dit que tu vérifies. T'as l'air de l'estime, j'en ai plus, je reste in. Dans les pays, je skill, leur équipe est vice et versa. Toi, les rimes et testing, faut les buts et merci, j'arrête les mecs qui peuvent faire ça. Un signe et le DJ stop, fais le mal à mec, j'envoie la vitesse forte. Tout seulement, tout sur la sort, tout seulement, fou, sans avant, tout seulement. Tu parles de ma vie, mais mon éthique, mec, laisse-moi les buts et fais le sabre quand je kick. Reste dans la ville et vois les buts et vidéos grosses clics. Passe éliminatoire et finisse dans le vide. Article, mec, c'est là, rime, mec, c'est là, on disperse la pile et fanatique, la chante. Respecte ma vitesse des mentes, j'suis le best, la cité parapluie, j'te vente. MC dans le coma super, on veut décoper mon arrêt, là, commence à tout perdre. Libéré de tout, content débloqué en ferme, rap, distribue les coups et ta nation est en berne. Flow, t'as qu'à des gens pile les punchlines, distribue le mien, le monde écoute et les meufs taille. On fait pas du rap, on fait qu'imiter la box time. Moi, je reste au milieu quand je kick les autres styles.